Saint-Ferdinand. Maman, grand habitué de la mouchetormesse bâloise, grande foire annuelle, raffole des montagnes russes, train fantôme, tasse à thé virevoltante, soucoupe volante, balancelle, sans oublier les baraques à frites et à gaufres. Elle a transmis le virus à ses enfants. À l'occasion de son anniversaire, Faustine est comblée. Ses parents l'invitent à la foire du Midi. Dès le 15 août, sur l'une des plus longues artères bruxelloises, les manèges s'étalent à l'infini. Et les frites, quelle merveille! Cuites à la graisse de bœuf avec un grand choix de sauces, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Et les gaufres, avec ou sans sucre glace, avec ou sans chocolat fondu, chantilly, caramel? Faustine est perdue, il y a trop de choix! C'est la seule fois de l'année où maman se conduit comme une petite fille. Elles sont vraiment complices. Papa, qui souffre de nausées, ne monte jamais sur ses engins de malheur. Il fait le pied de grue patiemment, portant les sacs, les gilets et les restes de gouffre. Il aura droit à son quart d'heure de gloire au stand de tir. En officier bien entraîné, papa rate rarement sa cible. Les enfants éclatent de rire devant la mine déconfite du forain dont le stock de magnifiques gros lots fond à vue d'œil. Magnanime, papa choisit deux belles pièces et laisse le reste. Le 15 septembre, c'est la rentrée à l'école Saint-Ferdinand. L'établissement est proche de la maison et les sœurs acceptent de garder Faustine et son frère le soir, ce qui arrange bien leurs parents. Sœur Germaine s'occupe des classes enfantines et prend Stéphane en charge. Au matin du premier jour, Faustine attend dans la cour de savoir dans quelle classe elle doit se rendre. Cette première année, sœur Bernadette sera son professeur. Elle vient du Congo belge, où elle dirige une école dans la brousse. Revenue au pays à l'occasion d'un congé, elle compte bien retourner là-bas dès que possible. Ses pupilles lui manquent, et la situation politique du pays étant très précaire, elle sait qu'elle y sera utile. Dès que la petite classe est installée et que chacun a rempli sa fiche, elle raconte aux élèves, fascinés, un peu de sa vie en Afrique. Elle décrit le dangereux serpent dans la tuyauterie des toilettes, les tarentules dans la salle de bain du dispensaire, les singes qui viennent quémander de la nourriture, jusqu'à la porte de la mission. Elle relate aussi les fréquentes attaques des soldats rebelles, des pillards, et comment elle protégeait les maigres avoirs de la communauté en les cachant dans sa poubelle, tout simplement. Faustine se souviendra de cette ruse. Assise au premier rang, comme toujours, elle écoute, bouche bée. Elle s'imagine respirer les parfums des arbres, hibiscus, bougainvilliers, en bordure de la jungle. Ce rêve en train de laver le linge à la rivière toute proche, en faisant bien attention aux crocodiles. Plusieurs mamans imprudentes y ont perdu leur petit, a dit sœur Bernadette. Faustine se voit piler le mil dans le grand mortier en bois en compagnie des femmes de la tribu. On ne parle pas des hommes. Où sont-ils? À la chasse, sûrement. Elle regarde avec curiosité et on vit les images de ces femmes si belles et si fières dans leurs boubous colorés qui collectionnent les kilomètres sur des chemins de brousse. Certaines emportant un bébé dans leur dos, une lourde charge sur la tête, mais toutes, avec cette allure de danseuse si caractéristique. Comment font-elles? Faustine a beau s'exercer, elle n'arrive jamais à garder un livre sur sa tête plus de 2 secondes et demie. L'école Saint-Ferdinand est un petit paradis, à plus d'un titre. Les salles de classe sont disposées autour du bâtiment principal, un peu comme les dépendances d'un corps de ferme. Il y a par ailleurs une salle des fêtes et un réfectoire. Depuis la salle des fêtes, on peut accéder à un verger, planté de pommiers, poiriers, coniaciers et petits fruits, groseilliers ou cassis. Cet endroit-là est réservé aux sœurs. Les élèves n'y ont pas accès. Les sœurs vivent dans le bâtiment central. C'est là que se trouve la cuisine où officie sœur Vivine. C'est la première fois que Faustine voit une personne aussi énorme. Vrai, elle pourrait facilement entrer 4 fois dans le tablier de la sœur. Avec un volume pareil, la pauvre femme peine à se déplacer. Elle sollicite l'aide des plus grandes élèves pour porter les plats entre cuisine et cantine. Ainsi s'acheminent des montagnes de dur, des forêts d'épinards et des rivières de sauce blanche, d'un côté à l'autre de la cour de récréation. Il arrive bien parfois qu'un œuf ait des velléités de fuite depuis son plat. Mais qu'importe, l'enfant le ramasse, crache dessus, frotte afin d'ôter les minuscules incrustations de gravier et, ni vu ni connu, le remet sur la pile. Ce qui frappe Faustine à la cantine, c'est qu'on y boit de la bière. En effet, en lieu et place des habituels pichets d'eau, il y a sur les tables des bouteilles d'une bière belge, blonde et légère. Avec ou sans alcool? Faustine ne le saura jamais et la question demeure. La salle des fêtes recèle bien des trésors. Outre un sol lisse et propice aux patins à roulettes quand il pleut, il y a une estrade avec des rideaux rouges, comme dans un vrai théâtre, et dans les coulisses une énorme malle débordant de costumes. Lorsque Faustine et Stéphane restent en pension quelques jours, leurs parents étant en voyage, ils ont la permission de se déguiser. Ils se jouent la comédie. Ils sont leur seul et meilleur public. Leur humeur n'est pas au théâtre. Les deux enfants ont accès librement à toutes les salles de classe, ainsi qu'aux cris de couleur et aux tableaux noirs. Le croiriez-vous, ils passent des heures à jouer à l'école. Tout le monde n'a pas une chance pareille. C'est pourquoi Faustine et Stéphane sont loin d'être malheureux quand leurs parents les confient aux sœurs. Ils se sentent vite adoptés. Au milieu du salon de la grande maison, il y a une table qui en fait toute la longueur. Les sœurs de la congrégation s'y installent, qui avec son ouvrage, qui avec son livre, son journal ou du courrier à faire. Derrière elles, le mur est garni de casiers et de grandes armoires fermées à clé. Elles y disposent leurs réserves, des friandises offertes par les parents d'élèves. Il n'est pas rare que Faustine et Stéphane soient conviés à quelque agape consolatrice quand ils sont restés trop longtemps sans voir leur famille. Parfois, le samedi, les enfants vont se promener avec deux des sœurs. Comme les gendarmes, elles se déplacent toujours en binôme. Ils trottent jusqu'au village voisin au prétexte de prendre l'air, mais surtout pour y acheter des carambars à l'épicerie. Un jour, afin de satisfaire la curiosité de Faustine, une des religieuses coupe dans une betterave sucrière pour la leur faire goûter. En automne, on en trouve facilement quelques-unes éparpillées dans les champs autour de l'école. Elle explique aux gamins que c'est à partir de ces racines qu'on extrait la plus grande partie du sucre consommé en Belgique. Faustine est épatée. Elle n'aurait jamais pensé trouver quelque chose de si doux sous cette épaisse croûte de terre. Il arrive plus rarement que la petite troupe pousse jusqu'au Carmel, donner du courrier ou du linge raccommodé à la sœur tourière. Quand Faustine entend raconter que les carmélites ont fait vœu de silence, elle réagit tout de suite. Quand elle sera veuve, elle finira sa vie comme carmélite. Ainsi, elle pourra porter un beau costume noir et blanc et elle ne risquera plus de proférer ces bêtises qui la font tout le temps réprimander.